Chapitre 31e. L'heure de suprême angoisse. Paulin Broquet reprit. Caché dans la maison, j'ai suivi le comte de Marnay. J'ai vu qu'une première fois son attentat manqua parce que le froid paralysa ses inconscients mais terribles complices. Folie, absurdité, répétait le comte. Le comte de Marnay détenait dans des tubes de laboratoire des moustiques endormis qu'on lui avait expédiés des pays où la fièvre jaune est en permanence. C'est odieux, murmuraient Raoul et les capitaines indignés. Paulin Broquet reprit. Voici comment on a transporté ici ces propagateurs de morts épouvantables. Des affiliés de Zigomar ont été chassés en Amérique, dans le pays où la fièvre jaune règne à l'état endémique, au bord d'un étang, les moustiques assassins. Ils ont choisi des sujets jeunes et vigoureux, ils les ont longuement sur place gorgés de sang pestiféré. Puis ces moustiques ont été non expédiés en France, mais amenés, accompagnés et soignés durant le trajet comme des objets précieux, des animaux de la plus grande valeur. Les microbes de la peste mettent de 15 à 20 jours à effectuer dans le tube digestif du moustique leur transformation et devenir assez fort pour pouvoir causer la mort en se glissant dans le sang du malheureux que l'anophèle propagateur piquera désormais. 15 à 20 jours, c'est le temps que l'on met pour venir des pays infestés jusqu'en Europe. Pendant cette période, les futurs assassins sont absolument inoffensifs. Pendant la traversée à bord du bateau qui le ramenait, l'affilié de Zigomar, sans courir aucun danger, put soigner en secret et minutieusement ses précieux élèves dans la cabine qu'il retint pour lui tout seul. Il tenait ses moustiques dans une sorte de cuvette contenant un peu d'eau. Une gaze recouvrait cette cuvette qui se trouvait, par prudence et pour déjouer toute indiscrétion, dans une valise de cabine aménagée pour elle. Le soir, l'homme de Zigomar passait ses bras sous la gaze et les donnait à sucer aux moustiques. Il les nourrissait ainsi, les conservait vaillants et forts, en état de remplir la mission terrible qu'allait leur confier le maître invisible, le chef des aides. Mais près des côtes d'Europe, la température baisse promptement, les moustiques s'engourdissent. Cela est précieux, car à ce moment, l'évolution des microbes dans le tube digestif des moustiques est accomplie. La piqûre des anophèles causerait infailliblement la mort de leur nourricier. Celui-ci recueille avec soin ses élèves engourdis, les met précieusement dans des tubes de laboratoire, et s'étant par précaution appliqué à lui-même l'injonction du sérum antipesteux du docteur Roux, il peut débarquer sans crainte et tranquillement remettre à Zigomar cette arme terrible, qui dort dans des tubes de verre, comme un poignard empoisonné dans une gaine de velours. « Rien de tout cela n'est vrai !» cria le comte de Marnay. Paulin Broquet lui imposa silence. L'homme qui, cette fois, s'est chargé d'apporter les moustiques, c'est le plus précieux auxiliaire de Zigomar, c'est Tom Twig. On écoutait le détective avec effarement, avec angoisse. Paulin Broquet reprit. Endormis, les anophèles, comme presque tous les insectes, peuvent vivre quelque temps dans cet état léthargique. Ils reprennent leur vie et leurs fonctions dès que la chaleur les réveille. Le comte, pour cela, plaçait sur un petit réchaud une casserole en nickel et à la vapeur d'eau, il réchauffait les tubes contenant les moustiques endormis. À la chaleur, les moustiques se réveillaient, reprenaient vie et se montraient affamés après un long jeûne. Le comte n'avait qu'à les souffler par le trou du plafond pour les faire tomber dans la chambre de Mademoiselle Alice, où ils devaient accomplir leur œuvre néfaste. « C'est ridicule !» dit le comte, haussant les épaules. Comment s'y est-il pris pour les 3 crimes précédents, pour faire piquer le capitaine de Casaumont? Peu importe, restons au dernier attentat. Le soir où le comte ordonna de faire du feu dans les chambres, Mademoiselle Alice alla coucher chez Mademoiselle Raymonde, qui était dans notre secret. Et moi, j'ai pris sa place dans sa chambre. Le sous-main sentait fort le cuir de Russie. La veilleuse était bleutée et la température de la chambre élevée. Tout favorisait le vol des anopheles, des stégomia. Je les entendis bientôt zizier dans la chambre. J'avais relevé mes manches et je leur offris mes bras. Ils se précipitèrent sur cet appât. Paulin Broquet releva ses manches et montra les plaies très apparentes causées par les piqûres des moustiques. Voilà la preuve. Les anopheles, les stégomia, se jetèrent sous mes bras et durent les trouver à leur goût, car ils se gorgèrent tellement de mon sang qu'ils tombèrent ivres après avoir, comme remerciement du festin, laissé dans mes veines le virus de la fièvre jaune, de la peste. J'ai ramassé ces charmants stégomia avec tous les égards qu'on doit aux personnes du sexe faible, car seules les femelles piquent et boivent du sang, seules elles portent la mort. Ces insectes sont chez le docteur Robert. Il a pu les comparer à ceux qui se trouvaient dans les tubes de laboratoire que contenait la boîte soigneusement enfermée dans la malle qui a disparu singulièrement. Le comte, depuis un moment, avait perdu toute arrogance. Plus le détective, avec calme et précision, énumérait les preuves de son crime atroce, plus le coupable, se sentant perdu, baissait la tête. Toute ardeur, toute idée de révolte, toute velléité de dénégation, de défense, s'était éteinte en lui. Il demeurait accablé. Paulin Broquet, pour éviter une dernière contradiction, se tourna vers lui et lui dit « Cette malle, dont la disparition vous inquiétait si grandement, ce n'est ni le baron du Jard, ni le superbe baron Dupont qui l'ont emporté par prudence ou par erreur, c'est moi. Et elle se trouve maintenant au greffe du palais de justice comme pièce à conviction. » Le comte de Marnay ne trouva rien à répliquer. « Voilà donc, messieurs, reprit Paulin Broquet, bien établi devant vous la culpabilité du comte de Marnay. Je tenais à la démontrer au marquis de Briailles, pour qu'il m'excusât d'avoir ainsi opéré chez lui à son insu, et contre un homme qu'il a le malheur de compter parmi les siens. « Non, non !» s'écria le vieillard. « Non, cet individu n'est pas de ma famille. Je le renie pour un des miens. Que la justice suive son cours, qu'elle punisse cet assassin. » Le comte de Marnay, à ces mots, eut un mouvement de suprême révolte. « Mon oncle, vous ne voyez pas, vous ne comprenez donc pas que tout cela est faux, que c'est un roman de policier, que c'est impossible, que je ne puis avoir commis ces crimes. » Le marquis se leva. « Tais-toi, tais-toi, misérable !» « Assassin, tais-toi, je te maudis !» Une voix près de la porte dit alors « Non, mon père, ne maudissez pas. Que la justice suive son cours. Mais vous, ne maudissez pas ce malheureux, ne maudissez pas !» Le comte de Marnay se dressa vivement. « Alice ? » s'écria-t-il. « Alice, toi ? Oh, Alice, pardon !» Et comme anéanti, en larmes, il se laissa tomber sur les genoux. Paulin Broquet, voyant l'effondrement du misérable, s'approcha de lui, et donna du jeu aux menottes qui l'enserraient et paralysaient ses mouvements. Le comte de Marnay put joindre les mains, éponger ses yeux. « Alice, » reprit-il. « Ma chère Alice, oui, j'étais coupable, oui, j'ai tué. Ce n'était pas pour avoir la fortune de ton père, c'était pour t'avoir toi. Je t'aimais comme un fou. « Misérable, » murmura Alice, « tu m'as repoussé. Je n'ai pu supporter l'idée que tu serais la femme d'un autre. J'ai voulu t'arracher à ton fiancé, espérant te reprendre un jour. Puis... comme tu me haïssais de plus en plus, j'ai voulu me venger. Et j'ai voulu te tuer toi aussi, Alice, pardon. J'ai voulu te tuer. Je suis un misérable. Je t'aimais. T'es fou. Pitié, pitié. » Alice répondit. « De pitié, je ne puis en avoir pour toi. Mais nous pourrons peut-être, mon père et moi, te pardonner. Me pardonner. Si tu sais racheter, tu n'es pas le seul coupable. Non. Tu as été entraîné, tu as obéi à cet homme que je ne nomme pas. Eh bien, seconde l'œuvre de la justice, facilite la tâche de ceux qui peuvent l'empêcher de commettre d'autres crimes. Oui, je dirai. Plus tard, je dirai, mais promets-moi ton pardon, Alice, jure-moi. Expie, montre que descendu si bas, tu as quand même gardé un cœur de gentilhomme. Toute faute se paye, tout homme perdu se rachète, paye, et sois une dernière fois comte de Marnay. Alors, mon père et moi, nous te pardonnerons. » Elle regarda un instant son cousin abattu, et machinalement, en se retournant pour se retirer, elle posa sa main sur une petite table qui se trouvait à côté du comte. Sur la table, elle laissa son mouchoir. Dans ce mouchoir se trouvait un revolver. « Venez, mon père, » dit-elle, « prenez le bras du vieillard, venez. Nous n'avons plus rien à faire ici jusqu'à nouvel ordre. » Elle entraîna le marquis. Les officiers et les frères Montreuil, grandement impressionnés par cette dramatique scène, suivirent silencieusement. Le comte se traîna à genoux jusqu'à la porte, sanglotant. « Alice, ma chère Alice, par pitié, pardon, pardon !» Paulin Broquet ramena le comte dans la chambre, le releva et le reconduisit jusqu'au fauteuil, où il le laissa choir de nouveau, pour qu'il pût tout à son aise pleurer. Le moment ne lui semblait pas propice pour lui faire subir un interrogatoire. D'ailleurs, cela regardait le juge d'instruction d'Orléans d'abord, et surtout M. Urbain, qui les attendait à Paris. Des mesures délicates, spéciales, étaient à prendre dès maintenant, afin d'organiser le transport de l'inculpé à Orléans, sans provoquer parmi le personnel du château de curiosités douloureuses pour les maîtres. Paulin Broquet, jugeant le comte trop abattu, trop veulent, pour tenter quoi que ce fût en vue d'une fuite, sortira avec Gabriel. La chambre se trouvait au deuxième étage du château. Les étages étaient très hauts. Il n'y avait aucune crainte d'évasion à concevoir. Néanmoins, Paulin Broquet ferma la porte de la chambre derrière lui et laissa dans le corridor un des hommes de sa brigade qu'il avait amené avec lui. Paulin Broquet, à qui rien n'échappait, avait parfaitement vu le geste d'Alice déposant son mouchoir à portée de la main de son cousin. Peut-être, pensa-t-il, qu'un coup de revolver était la meilleure conclusion de cette aventure, qu'il rachetait le passé de ce misérable et écartait la honte de cette famille déjà trop éprouvée et qui ne méritait pas tous ses malheurs. Quant à lui, son honneur de détective restait sauf. Il avait arrêté le coupable, et peu importait désormais que ce coupable fût condamné par les tribunaux ou se fît justice lui-même. Sans aucun doute, c'était pour permettre au comte de Marnay de gagner dans un dernier geste de bravoure le pardon du marquis de Briailles et de sa cousine Alice, que Paulin Broquet s'était retiré, emmenant Gabriel. Mais plus d'une heure s'écoula. Longue, lugubre, sans qu'aucune détonation vînt briser le silence de cette maison pleine d'angoisse. Le docteur Robert, secondé par Raoul et le capitaine de Rennebois, soignait le marquis qui, à la suite de ses émotions, avait perdu connaissance. Dans le salon réservé aux jeunes filles, Irène de Valtour et Raymonde, avec le capitaine de Casaumont, réconfortaient tendrement Alice, qui priait et pleurait. On sentait la mort planer sur la maison, et chacun, le cœur serré, attendait comme une délivrance le coup de revolver, signal de réparation, de justice. Une demi-heure passa encore dans ces transes, dans ce silence. L'automobile qui devait emporter le comte de Marnay attendait. La nuit était venue. L'heure du départ vers la prison arrivait. Paulin Broquet alors murmura « Le lâche !» Et il monta dans la chambre du comte pour le prendre, le conduire devant les juges puisqu'il n'avait pas le courage de leur échapper. « Rien ?» demanda-t-il à son homme de garde. « Non, chef, il a marché, il a pleuré, il a parlé, c'est tout. » Paulin Broquet ouvrit la porte. Il sentit de la résistance en poussant le battant. Il poussa plus fortement, ouvrit et pénétra dans la pièce. La chambre paraissait vide. Mais à terre, à la lueur des lampes que Gabriel portait, Paulin Broquet aperçut le corps du comte de Marnay, dans une mare de sang, la gorge coupée, et sur la glace de la cheminée ressortait, sinistre, tracé avec du sang, le Z triomphant, la terrible signature de Zigomar.